Chapitre 11e, le numéro 69-669. Le chirurgien de la famille et un autre chirurgien, un grand maître de cette terrible science qui avait été appelé de Londres par le télégramme, étaient en consultation dans le salon jaune de l'abbaye pour constater l'état d'Arthur Holroyd, gisant sur un lit improvisé dans la sombre et silencieuse pièce où Neptune courroucée conduisait ses chevaux au-dessus de l'indicatrice du temps. Les deux chirurgiens n'avaient pas un rapport très satisfaisant à faire sur l'état de leur malade. Il avait reçu le coup de feu dans le dos et la balle avait traversé les poumons. C'était ce résultat que les chirurgiens constataient, quoiqu'ils enveloppassent cette triste vérité dans une atmosphère brumeuse de mots techniques. On a vu des cas où des individus avaient survécu à la perforation des poumons par une balle et qui avaient vécu fort et bien portant pendant longtemps. Mais ces cas étaient très rares, si rares, que le chirurgien de Londres pouvait les citer à Sir Gaspard tout en discutant l'état de son malade. « Je resterai ici cette nuit, puisque vous désirez que je le fasse, » avait dit le grand homme, « car je ne vous cacherai pas que le cas est critique, très critique, et je doute que mon digne coadjuteur ait autant d'expérience que moi de ces cas. Mes gens me télégraphieront, si on me demande d'une manière impérieuse à Londres, et je partirai par le premier train, pour arriver pour mes consultations. Par ce moyen, je resterai sur les lieux pour veiller s'il survient quelque changement dans les symptômes. Qu'on fasse tout ce que peut la science médicale pour ce gentleman, dit Sir Gaspard. Il n'est ni mon ami ni mon parent, mais il a été mon hôte, et c'est en retournant de chez moi chez lui qu'il a été frappé par son assassin. Je sais à peine si je ne suis pas plus désireux de voir découvrir le perfide assaillant qu'il a tendu que de lui sauver la vie. André Chénier appelle la déesse classique de la vengeance une némésis tardive, mais la justice moderne est rarement lente à frapper. Le commis de la station de Roxborough, qui avait télégraphié la dépêche qui demandait le grand chirurgien, avait envoyé en même temps une autre dépêche adressée directement au chef de Scotland Yard. Et avant que le chirurgien ait quitté son salon de consultation de Cavendish Square, un agent de police était sur la route de Roxborough pour tenir une conférence solennelle avec la police locale et commencer sur le champ l'instruction. Naturellement, il se dirigea sans perdre de temps vers l'abbaye, s'arrêtant en route pour inspecter le lieu où le meurtre avait été commis et l'endroit même où le gentleman avait été découvert, couché la figure contre la terre, précédé d'un sillon qui montrait qu'il avait été traîné plusieurs mètres avant que son pied se dégageât de l'étrier. À l'abbaye, l'agent de police honora Madame Browning d'une audience et reçut de cette dame le contenu des poches de Holroyd. Après avoir inspecté ces objets, l'officier se rendit chez Sir Gaspard. « Je pense que je connais le motif de cette attaque, monsieur, dit-il, et c'est déjà quelque chose. Saviez-vous que ce gentleman avait une somme considérable sur lui ? Non, j'ignorais tout à fait ses affaires. Eh bien, il en avait une, monsieur. 300 livres sterling en billets de banque. J'ai trouvé les numéros des billets dans son portefeuille avec la date où il les a reçus, c'est hier. C'est tout à fait impossible, répondit Sir Gaspard. Monsieur Holroyd ne s'est pas absenté de ma maison hier jusqu'au moment où il l'a quitté dans la soirée. Il doit y avoir une erreur dans la date. C'est bien possible, monsieur, mais je m'étais imaginé, en regardant le portefeuille de ce gentleman, que c'était un individu méthodique. Nous sommes obligés d'examiner les lettres et les papiers, et les autres choses de ce genre, vous le savez, monsieur, sans en épargner une, lorsque quelqu'un a été blessé et qu'on ne sait pas qui l'a attaqué. Je suppose qu'il y a une personne dans votre maison, monsieur, qui vraisemblablement a payé cet argent à monsieur Holroyd. Très décidément, non. Pensez-vous qu'il a reçu cet argent par la poste? Non, il n'a pas pu recevoir de lettres dans cette maison, car sa présence y était toute accidentelle. Bien. Alors, monsieur, je suppose que la date doit être fausse. Vous voyez que c'est un petit portefeuille dont les pages sont divisées pour tous les jours de l'année, et dans la division du 16 septembre, il y a l'inscription des 300 livres et les numéros des billets, écrits d'une manière très lisible. Donc, monsieur, je suis disposé à croire que ce gentleman avait ses billets sur lui lorsqu'on lui a tiré un coup de fusil. Votre femme de charge a eu le bon sens de ne pas mêler ses habits lorsqu'on les lui a ôtés, et j'ai trouvé la poche de côté de sa veste arrachée. C'est assez probable que les billets étaient dans cette même poche. Votre femme de charge dit qu'elle peut jurer que la poche était dans cet état lorsque le gentleman a été rapporté ici. Pour moi, il est clair que le gentleman avait les billets qui lui ont été pris. après qu'on lui eût tiré un coup de fusil. Si c'est ainsi, nous ne devons pas avoir beaucoup de difficultés à trouver l'individu qui l'a fait, à moins que ce ne soit une vieille main habile qui t'a envoyé les billets à l'étranger. Vous pourriez, dans ce cas, employer 1 000 000 sans réussir à trouver sa trace facilement. Cependant, je ne pense pas que ce gentleman ait été tué par une vieille main. Il est probable que c'est un lourd campagnard qui a fait le coup, et que nous le retrouverons avant qu'il ait eu le temps d'emporter ce qu'il a volé. J'ai examiné le lieu où l'affaire est arrivée. Il y a un trou parmi les fougères qui paraît l'endroit où un homme se serait couché, pour attendre là quelques heures. Je pense qu'on peut à peu près deviner la structure de cet homme par la forme du creux. Et si je ne me trompe, ce n'est pas un très gros personnage. Un blanc bec, peut-être. Cette affaire me semble presque celle d'un tout jeune homme. Sir Gaspard écoutait gravement l'homme de police. Il y a des occasions où le plus invétéré persifleur est forcé d'être sérieux. Voltaire le fut beaucoup lorsqu'il s'occupa de la réhabilitation de Calas. Et Horace Walpole fut tout à fait grave lorsqu'il plaida pour le malheureux amiral Byng. Je vous prie d'offrir une récompense de 100 livres, qui seront payées par moi, à celui qui s'emparera du malheureux qui a commis cet attentat, dit le baronnet. Ce gentleman était mon hôte, et si on ne peut sauver sa vie, je suis engagé à venger sa mort. J'ai fait des recherches sur ses amis, et j'ai trouvé qu'il était tout à fait seul au monde, et que n'importe comment il n'y avait personne qui se souciât de demander à être admis près de son lit. Ce fut tout ce que Sir Gaspard trouva à dire à l'agent de police, qui se retira très satisfait de sa mission qui promettait d'être profitable, car il était plus que probable que c'était lui, lui seul, qui touchât la récompense si libéralement offerte. Dorothée accepta l'invitation de sa cousine et se présenta exactement au Villa Amanda dans l'après-midi de ce dimanche que le commis avait redouté avec tant de terreur. Ce n'était pas le moment de prendre le thé ni de manger des sucreries. Il régnait un solennel silence dans toutes les pièces de l'abbaye de Scarsdale, et une odeur de tannerie remplissait l'atmosphère dans toute la maison, car de l'écorce de chêne en poudre avait été répandue à un pied d'épaisseur sur le grand chemin des voitures où le cabriolet du chirurgien de la localité et le tilbury qui avait amené le grand praticien de Londres roulaient sans bruit comme sur du velours. Ce n'était pas le moment de prendre du thé, car Arthur Holroyd gisait dans le cabinet de Sir Gaspard, suspendu entre la vie et la mort, hélas, beaucoup plus près de la mort que de la vie. Et Dorothée fut obligée de prétexter un engagement solennel, pris depuis longtemps, lorsqu'elle demanda permission d'aller chez sa cousine. Cette permission, cependant, lui fut accordée tout de suite par Mademoiselle Denison. « Oui, vas-y, n'importe comment, ma chère, dit-elle, il est bon que tu sois éloignée de cette épouvantable maison. » Dorothée quitta l'abbaye après avoir dîné de bonne heure avec son amie et protectrice Madame Browning, qui était beaucoup plus altière et plus réservée dans ses manières que Marcia. Dans des circonstances ordinaires, Dorothée aurait été la dernière personne du monde qui eût quitté cette silencieuse maison pour aller prendre le thé autre part. Car son cœur était tendre et compatissant, il était resté quelque temps sans dormir les 2 dernières nuits en pensant quelle horrible chose ce serait si M. Holroyd venait à mourir. Et elle avait prié la Sainte Mère de Dieu, les saints et les anges, pour son rétablissement, à sa manière enfantine, juste comme elle aurait entretenu sa mère terrestre ou ses amis terrestres. Mais elle l'aimait, et c'était son amour pour Gervase Cawthron qui la faisait aller à Roxborough par cet après-midi de septembre. Céline n'avait-elle pas promis qu'il la reconduirait chez elle? Naturellement, cela impliquait qu'il viendrait prendre le thé avec la société. Elle avait tant besoin de le voir, d'entendre ses tourments, et de savoir s'il avait pu payer le cruel marchand de tabac ou apaiser la fureur du tailleur sans pitié qui était inexcusable d'être fâché d'être dépouillé de sa marchandise et des fruits de son travail. Elle désirait le voir. Son amour n'était que souffrance, et cependant elle désirait souffrir encore plus. Son tendre cœur était prêt à saigner de nouveau s'il plaisait au Dieu sans pitié de lancer de nouvelles flèches dans son cœur fidèle. Mais un désappointement attendait la pauvre Dorothée au Villa Amanda. Elle trouva le petit parloir très propre. Une élégante collation de muffins et de cressons de fontaine ornait la table. Il n'y avait plus de vestiges de la robe de Mademoiselle Penkit qui avait été emportée de la maison dans un mouchoir de coton, de bonne heure dans la matinée, pour que Mademoiselle Penkit pût la mettre le prochain dimanche, avec la pensée d'effacer complètement ses amies particulières pendant le service de l'église. Dob était radieux, car Slopor était revenu de bonne heure dans l'après-midi et avait été très satisfait du rapport que le commis lui avait fait sur les affaires pendant son absence et de la rigueur qui avait distingué les manières de ce gentleman inarré de certaines pratiques douteuses de la maison. Mais il n'y avait pas de Gerboy Scathron. La pauvre Dorothée s'échauda avec du thé bouillant et s'étouffa presque avec un muffin pour cacher la mortification de son esprit. « Je pensais que peut-être Gerboy serait ici », se décida-t-elle à murmurer à voix basse à Célina avec un piteux air d'indifférence. Sur quoi Célina lui dit qu'Henri Adolphe n'avait pas vu M. Scathron depuis vendredi soir, mais qu'il, le lieutenant, était attendu sans cérémonie à chaque instant. « Tu sais combien il est intime avec Dob, » dit Célina. « Attends-le un peu et vraisemblablement, il viendra te voir ici. » Il ne se passe pas 3 jours sans que nous ne le voyons. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé, dit en tremblant Dorothée, qui, à travers sa vive imagination, voyait flotter presque toutes les soudaines calamités qui peuvent affliger l'humanité. Quoi, que veux-tu qu'il y soit arrivé? S'écria Célina. Je croirais que tu n'aimes pas les muffins, Dorothée, si tu ne fais pas de meilleur thé. Donne à ta cousine quelques-uns de ces crays, Henri Adolphe. Ce sont les meilleurs que j'ai jamais partagés. Le cœur de Dorothée devint un peu plus léger après ces paroles. Gerboy pouvait arriver à tout moment. Elle n'essaya pas d'écouter le bruit des pas dans la rue. Elle fit de son mieux pour répondre à toutes les pressantes questions dont son hôte et son hôtesse l'assaillirent et fit un fidèle récit de tout ce qui était arrivé depuis l'attentat du bois de Scarsdale. Monsieur et Madame Dobb étaient avides de toute information se rapportant à ce sujet intéressant et Dorothée était revenue plusieurs fois sur les mêmes détails avant que leur curiosité fût apaisée. Avait-elle vu le gentleman avant son départ de la veille? Quel air avait-il? Qu'avait-il dit? Et y avait-il quelque chose de particulier dans ses manières et ainsi de suite? Les Dobbs évidemment considéraient que ce gentleman, qui était sur le point d'être assassiné, devait différer sous quelque rapport des gens ordinaires, qui ne courent pas un danger immédiat de perdre la vie. Dobbs avait rarement joui de lui-même, plus qu'il ne le fit pendant cette soirée. Naturellement, il avait ses propres idées sur l'attentat commis sur Arthur Holroyd, idées qu'il avait exposées tout au long au profit de sa femme et de sa cousine. Ses théories sur cette affaire étaient très profondes, et sa manière de les exposer fut un peu obscure. Il dit à ses compagnes comment il aurait agi s'il eût été de la police, et jeta presque une nouvelle lumière sur le mécanisme de la police secrète. Tout le projet qu'il développa pour découvrir le coupable était bien concis. Puis ensuite, il leur dit comment il parlerait s'il était le conseil de l'assassin inconnu, et comment il ferait le résumé devant le jury s'il était président dans cette affaire. Il se rendit la face cramoisie en débitant son plaidoyer pour la défense, et fit sauter les légers candélabres en plaqués de Célina chaque fois qu'il frappait la table à la fin de ses énergiques périodes. Ce fut seulement lorsque le procès fut fini que le juge mit son bonnet noir et eut prononcé la condamnation de l'assassin inconnu, que Dorothée mit sa main dans sa poche et y découvrit un papier plié, dont le contenu, pensa-t-elle, devait être intéressant pour ses compagnons. J'avais tout à fait oublié que j'avais ce papier dans ma poche, dit-elle en déployant une grande affiche blanche et noire. C'est un ami de la police qui promet une récompense à celui qui arrêtera le meurtrier. Il y en a eu des centaines d'imprimés, et on en a placardé sur tous les points du comté, et aussi à Londres, je crois. Comment, Dorothée ? S'écria le commis avec un peu d'indignation dans la voix. « Avez-vous été assez folle pour ne pas nous montrer cela tout de suite ?» Il étendit l'affiche sur la table et lut ce qu'elle contenait tout haut avec une véritable satisfaction. Mais il s'arrêta et devint soudain pensif, en lisant les numéros des billets manquants. Il se souvenait d'avoir vu déjà ces chiffres et un des numéros lui paraissait étrangement familier. « 69-669 » répétait-il. J'ai un vague souvenir d'avoir écrit ce numéro-là il y a un jour ou deux, car je me rappelle avoir pensé que ce n'était rien que des ronds et des queues. Il fit une pause pendant quelques minutes en se grattant la tête avec une expression d'embarras sur la figure et en fixant l'affiche étendue sur la table devant lui. Alors il enfonça sa main dans sa poche et en tira un petit mémorandum. Il en tourna les feuillets avec rapidité et examina la dernière inscription. « Bonté de Dieu ! » s'écria-t-il en se levant précipitamment. un de ces billets le même que celui que Gervois Cartron m'a payé hier matin. » Dorothée se leva aussi, pâle et tremblante. « Comment pouvez-vous dire cela ? Vous ne pouvez pas penser que Gervois soit l'homme qui a tiré un coup de feu sur M. Holroyd ?» Il s'arrêta en le regardant pendant une minute, puis il s'écria avec un petit rire à moitié nerveux. « Que je suis sotte ! Comme si Gervois voudrait tuer quelqu'un pour tout l'argent du monde ! Le méchant misérable qui a volé M. Holroyd doit avoir passé ce billet à Gervois. Cela peut-il lui faire courir quelque danger ? Oh, Henri Adolphe, dites-moi si cela peut lui faire courir quelque danger. » « Je ne sais pas, » répondit Dob tristement. « Lorsqu'un meurtre et un vol ont été commis sur un grand chemin, et qu'un homme innocent dispose d'une partie de la somme volée 12 heures environ après l'événement, l'homme innocent doit s'attendre à être dans une position joliment désagréable. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour Cartron, mais je sais que cela sera extrêmement malheureux pour moi. » Là-dessus, ce fut Célina qui s'alarma. La pauvre femme courut à son mari et l'embrassa nerveusement, en lui demandant si cela pouvait arriver qu'un respectable homme marié fût accusé de meurtre. « Oh, ne vous ai-je point averti que votre intimité avec Gervois Cartron ne pouvait que vous être funeste ? Oh, Henri Adolphe, jamais, jamais, jamais nous vous traînerons à l'échafaud !» Elle proféra une quantité de lamentations du même genre qui eussent été tout à fait à leur place si les myrmidons de la loi eussent été sur le point de terminer les derniers apprêts de l'exécution de Dob. Le commis se débarrassa avec quelques difficultés de l'étreinte de sa femme. « Ne soyez pas si folle, Lina, » s'écria-t-il, « et ne commencez pas à beugler avant de savoir s'il y a quelque chose sous tout cela. J'ose dire que tout cela arrivera bien assez tôt à sa fin. Naturellement, Cartron doit savoir d'où vient cet argent et qui le lui a donné. » Et je pense qu'il sera peut-être capable de mettre la police sur la vraie piste et d'obtenir la récompense pour sa peine, ajouta Dob, presque avec envie. Il y a des gens qui ont du bonheur, ce sont toujours les paresseux et les propres à rien, et moins ils méritent et plus ils obtiennent. La carrière militaire de Cartron n'avait été distinguée par aucun succès depuis sa résidence à Castleford, mais pour le moment, le commis regardait son ami comme un des enfants les plus favorisés de la fortune. « Je vous dirai ce qui en est, » continua Dob. « Je vais courir tout de suite à la caserne et voir si je puis mettre la main sur Cartron et tâcher d'en obtenir quelque chose de bon. Restez où vous êtes jusqu'à ce que je revienne, Dol. J'espère que je ramènerai Gervois avec moi et que tous les deux nous reconduirons chez vous. » Dorothée consulta sa jolie petite montre d'argent. Le thé avait été servi de très bonne heure au Villa Amanda et quoique la soirée eût paru très longue, il n'était alors que 8h30. « Revenez aussitôt que vous pourrez, je vous en prie, Henri Adolphe, » dit Dorothée. « Je ne puis rester ici après 9h. » Mais elle resta passer 9h, car 9h sonnèrent, et Dob était encore absent. La pauvre Dorothée, assise dans une silencieuse angoisse, attendit son retour, quoiqu'elle cherchât à se persuader elle-même qu'il ne pouvait y avoir aucune raison de terreur et de tourment. Assurément, nul mal ne pouvait arriver à Gervois de la possession accidentelle d'un des billets manquants. Elle ne connaissait rien des lois de l'évidence. Elle n'avait jamais étudié la science du crime et ne s'était jamais tourmentée à songer aux détails de ces épouvantables actions qui étaient restées dans son souvenir et dont elle avait écouté les noires annales, pâles et tremblantes, lorsque le sommelier en chef daignait les lire tout haut dans un journal dans la chambre de Madame Browning. Elle n'avait nulle idée de l'étendue du danger auquel son amant était exposé, mais elle était frappée, malgré tout, d'angoisse et de crainte. Il lui paraissait si épouvantable que l'homme qu'elle aima pût en aucune manière être enveloppé dans ce sombre mystère de crime et d'horreur. Aussi resta-t-elle assise et misérable en attendant le retour du commis et en tirant très peu de consolation de Madame Dob, dont les discours couraient principalement sur ses propres sentiments et la terreur prophétique qu'il avait inspirée par rapport à Cartron, et les nombreux avertissements qu'elle avait donnés à son mari au sujet de son amitié avec le lieutenant et la préscience qu'elle avait eue de l'état actuel des choses qui lui avait été révélée dans ses rêves. « J'ai rêvé que j'étais dans un wagon de troisième classe l'avant-dernière nuit, » dit Célina, « et je pense que vous conviendrez que cela ressemble à un pressentiment de ce qui devait arriver. Et Dob était assis en face de moi, mangeant une pomme verte. Je n'ai jamais aimé rêver de fruits pas mûrs, Cela signifie non réussite dans nos projets, vous savez. Et vous trouverez cela expliqué de cette manière dans le livre des rêves de Napoléon. Puis le wagon fit un arrêt épouvantable et on nous dit de descendre. Et ce n'était plus un wagon après tout, mais un bateau à vapeur voguant sur la terre ferme, et les roues de la machine frappaient la terre, ce qui naturellement, selon moi, signifie que nous devons être sûrs qu'il nous arrivera mal lorsque nous choisissons nos connaissances dans une position plus élevée que la nôtre, et que nous voulons sortir de notre élément, comme cela a eu lieu. Mais je vois que vous ne m'écoutez pas, Dorothée, et je ne vous en dirai pas davantage. Ah si, Célina, je vous écoute, mais vous m'effrayez en me racontant ces mauvais rêves. Je mourrai s'il arrive le moindre mal à Gervois. C'est très égoïste à vous de ne penser qu'à votre Gervois. Mais je me sens forcé de vous dire que je crains qu'il n'y ait dans tout ceci beaucoup de tourments pour vous, Dorothée. J'ai rêvé la semaine dernière que je vous voyais habillée en rose, et je n'ai jamais rien vu de bon sortir d'un rêve où il y avait une toilette rose. Pendant que Madame Daube entretenait ainsi la vague frayeur qui oppressait la pauvre Dorothée, le commis faisait résonner la clé dans la serrure de la porte donnant sur la rue, et un moment après, Henri-Adolphe entrait dans le petit salon. Il était plus pâle que Dorothée, et sa faculté humoristique semblait l'avoir abandonné. « Voici une découverte joliment triste pour nous tous, » dit-il. « Catherine a pris la clé des champs. On n'a pas vu à la caserne depuis jeudi soir, et son commandant sortait comme je prenais mes renseignements. Il m'a tenu sur des charbons ardents pendant longtemps, en m'accusant de savoir que Catherine tournait mal, qu'il voyait mauvaise compagnie, pariait un sou et deux sous et fréquentait les cabarets. Enfin, pendant une demi-heure, il m'a reproché toutes sortes de choses de ce genre. « S'il n'y avait pas des gens comme vous, » dit cet important, « il n'y aurait pas tant de jeunes officiers faisant la honte de leur corps. »« J'ai prévenu l'amirauté de la disparition de M. Caffron, » dit-il, « et s'il revient, on nommera une cour martiale pour juger sa conduite. » Et alors, il appela un de ses hommes et dit, « Conduisez monsieur hors des portes, et ne le laissez pas rentrer ici. » Et sur ce, il tourna sur ses talons et s'en alla. « Oh, que j'aurais aimé à lui présenter un certificat sous la forme d'une petite pièce à ma façon !» Daube aurait pu continuer ainsi encore longtemps dans son indignation, mais à ce moment, son attention se porta sur Dorothée qui s'était trouvée mal et était à moitié morte, comme disait Célina.